33, Oral Production. Listen to each of the following dialogues and answer the question that follows. Example 1. Qu'est-ce que nous allons apprendre? You hear, nous allons apprendre le français. Then you hear the question, qu'est-ce que nous allons apprendre? And you say, le français, or nous allons apprendre le français. 2. Nous allons inventer une histoire. Qu'est-ce que nous allons inventer? Une histoire. 3. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Ça va être l'histoire de qui? Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. 4. La jeune fille va être française. Qu'est-ce que la jeune fille va être? Française. Elle va être française. 5. La jeune fille va être française parce que ça va être utile pour apprendre le français. Pourquoi est-ce que la jeune fille va être française? Parce que ça va être utile pour apprendre le français. 6. Nous allons choisir des amis pour les jeunes gens, des aventures. Qu'est-ce que nous allons choisir pour les deux jeunes gens? Des amis, des aventures, des voyages. 7. Ça va être un jeu. Qu'est-ce que ça va être? Un jeu. Ça va être un jeu. 8. Le jeu va être amusant et utile pour apprendre le français. Comment est-ce que le jeu va être? Amusant et utile. Le jeu va être amusant et utile pour apprendre le français.